Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, le Tour de France. Et dit alors finalement ce tour où vous n'étiez plus l'intouchable, ce tour où vous êtes redescendu de votre piédestal, mais vous aura fait peut-être davantage de bien que vos précédentes victoires sur le plan de la popularité, parce que vous êtes redevenu certains jours un coureur comme les autres. Bien écoutez, je ne me suis jamais considéré comme un coureur intouchable, et certainement pas. J'ai toujours dû me battre pour ma victoire, bien que beaucoup croyaient que on me faisait, que les adversaires ne m'attaquaient pas. Tout le monde croyait que ça allait facilement. Au contraire, j'ai toujours dû me battre et vraiment, j'ai donné chaque fois le maximum de moi-même. Eddy Merckx, au moment de la victoire de son troisième Tour de France en 1971, intouchable ou pas, une chose est certaine, Eddy Merckx fait partie des grands champions du Tour de France. Il appartient avec quelques autres à ce club très sélect des coureurs qui ont réussi à remporter le Tour à 5 reprises. Seul le tricheur, l'Américain Lance Armstrong, a fait mieux en remportant le Tour 7 fois, mais en voyant ses victoires être annulées par l'Union cycliste internationale en 2012 pour cause de dopage. Tour de France, randonnée fantastique des géants. Tour de France, de l'année l'événement le plus grand. Et du nord au midi, sur les routes réunies, tous les sportifs du pays vont regarder passer, applaudir, admirer tous nos ascenseurs lassés. Ce n'est pas la grande déprime, mais quand même. Les grincements de dents et le chauvinisme rôdent au comptoir des cafés du coin. Alors quoi? Les Ricains ne viennent plus en Europe, terre de terroristes, mais quand ils viennent, c'est pour faucher le titre du Tour de France. Et Bernard Hinault, déjà 5 fois vainqueur, et dont c'était le dernier tour, frustré de sa 6e et dernière victoire, ce qui aurait été un record absolu et historique. Bien sûr, me direz-vous, il n'y a pas eu que des Français victorieux dans cette course prestigieuse. Eddy Merckx, également 5 fois vainqueur, est belge. Mais la Belgique, voyez-vous, c'est un peu la France, de toute façon, tant que c'est un Européen. Et la presse, et les quelques 16 millions de Français qui se sont agglutinés au bord des routes de France ces 3 dernières semaines, ne parlent plus que du deuxième, Hinault, le vrai sportif, celui qui a joué et perdu, et dont tout le monde vous le confirmera, la grande sportivité lui a fait aider son coéquipier Lemon, et pour ainsi dire, lui donner la permission de gagner. Ne soyons pas méchants, ce fut une belle lutte et une course palpitante. Et puis on ne s'inquiète pas trop, il y a d'autres champions 100% bleu-blanc-rouge qui sauront bien reprendre le titre à cet Américain l'année prochaine. Bertrand Hall pour Radio-Canada à Paris. Tour de France, Tour de France, tu passionnes tout à moi la nation. Sur la chanson « Tour de France, c'est pas beau ça » de Jean Navarre et Fabienne, vous entendiez le reportage de Bertrand Hall sur la victoire de l'Américain Greg LeMond au Tour de France en 1986. Pour nous raconter l'histoire du Tour de France, je reçois l'historien, journaliste au Devoir, Jean-François Nadeau, qui est également un mordu de cyclisme passionné du Tour de France. Jean-François Nadeau, bonjour. Bonjour, Jacques. Le Tour de France, on y reviendra dans un instant, c'est évidemment plus que du sport, on en avait un petit aperçu avec ce qu'on vient d'entendre, mais c'est aussi du sport, d'abord et avant tout. Parlons de l'importance qu'a sur le plan sportif, cet événement-là, Jean-François. C'est le plus grand événement dans le monde cycliste, mais c'est aussi sur la scène sportive internationale un moment fort, puisque la course se répercute sur 2 ou 3 semaines, selon les années. Le Tour est plus que centenaire, c'est 1903, la naissance du Tour. Alors, il y a là, évidemment, un enjeu commercial important aussi, puisque toutes les télés du monde veulent avoir la possibilité de rediffuser ça, et que ça reste un enjeu publicitaire considérable. Et c'est dans le top 3, là. Il y a quoi? La Coupe du monde de soccer, les Jeux olympiques d'été, je dirais même, enfin, à la rigueur d'hiver aussi, puis le Tour de France. Là. Il est dans le top 3. Oui, absolument, absolument. Et c'est pour ça que malgré beaucoup d'ennuis au fil du temps, de scandales nombreux, ça demeure quelque chose de très, très important. Cette caravane qui précède le Tour, qui est une caravane publicitaire énorme, qui pendant des heures abreuve des milliers, des millions de personnes sur les routes de France qui sont là de, de publicité, d'objets de toutes sortes. Enfin, c'est un matraquage publicitaire qui est derrière aussi le Tour de France. Et puis, c'est un spectacle télévisé exceptionnel. Oui. Mais c'est aussi plus que ça. C'est plus que du sport. Revenons-y, on l'entendait dans l'extrait du reportage de Bertrand Hall. Évidemment, il y a ce ton moqueur, là. C'est un Américain cette année-là. Oh, malheur, qui remporte le Tour de France. Mais qu'est-ce que ça représente, au-delà du sport, le Tour de France pour les Français? Ben, c'est un enjeu national. Il faut dire que depuis cette année-là, 86 et 85, où Bernard Hinault, 5 fois champion du Tour, est le dernier Français à avoir remporté un grand Tour. Depuis ce temps-là, on l'attend, le grand Français. Mais c'est dans les années 80, effectivement, que le Tour s'internationalise. Ouais. Il y a des équipes colombiennes qui vont être là. Il va y avoir des Noirs pour la première fois qui apparaissent, alors que c'est un sport de blancs européens, tout ce qui est de plus standard. Hein. C'est un univers qui est réservé essentiellement aux Italiens, ouais, aux Français, aux Belges puis aux Espagnols. Alors, tout d'un coup, dans les années 80, ça s'ouvre. Hein? Il va y avoir Cadel Evans, qui est un Australien, qui va gagner le Tour aussi dans la suite des choses. Donc, il y a une internationalisation qui est très profitable autour. Hein? Maintenant, il y a des Grands Prix à Abu Dhabi. On va courir en Asie. On se retrouve en Amérique du Sud. Même Donald Trump, dans les années 80, voilà une opportunité puisqu'il va y avoir, sur le modèle du Tour de France aux États-Unis pendant quelques années, le Tour de Trump. Mais pour les Français, Jean-François Nadeau, ça reste... peut-être qu'à partir des années 80 et de cette internationalisation, ça va perdre un peu de sa saveur française, mais ça fait partie de leur histoire, de leur ADN. On est gamin, on attend le Tour de France. C'est quelque chose de culturel aussi. Oui, c'est une forme de carte postale montée sur roue, hein, où on va essayer de voir à travers un paysage qui défile des points fixes. Hein. La montagne va peu à peu apparaître comme étant quelque chose d'intéressant, mais c'est une occasion de se voir soi-même. C'est une fête de famille. Avec fierté. Oui, on sort au fond pour quelques secondes voir un peloton d'abeilles bourdonner, mouliner très rapidement, passer devant soi dans un nuage très rapide. Si vous êtes sur le plat aujourd'hui, les moyennes sont souvent de plus de 45 ou 50 km/h. Hein? Vous ne les voyez pas longtemps, le peloton passer. Mais pourtant, les gens s'agglutinent le long des routes pendant très, très longtemps pour voir ça au nom de ce rapport à la tradition, à la famille et au paysage. Ouais. Le premier tour a lieu en 1903. On écoute le journaliste sportif Géo Lefebvre. C'est lui qui a eu l'idée du tour, qui en a parlé au propriétaire du journal qui va l'organiser, Henri Desgranges. On écoute donc Géo Lefebvre parler des débuts rocambolesques, disons ça comme ça, du tour à l'émission Soyons témoins de la chaîne parisienne en 1956. Le premier Tour de France est donc organisé en 1903. Avant d'être organisé, il est dans la période d'incubation. C'est ainsi que nous avions décidé, après accord du grand trésorier Godet, que s'il devait durer un mois, pour que la clientèle du journal soit appâtée pendant un mois, nous avions décidé également 5 étapes très longues. C'était à la mode à ce moment-là. C'était Paris-Lyon, Lyon-Marseille, Marseille-Toulouse, Toulouse-Bordeaux, Bordeaux-Nantes, et pour le clou, Nantes-Paris. Et de donner 2 francs par jour pour vivre aux coureurs qui s'engageraient. Or, 8 jours avant la clôture des engagements, nous avions 15 engagés. C'était la catastrophe. Alors, nous avons fait marche arrière, nous avons annoncé dans l'auto à grand fracas que le Tour de France ne durerait que 3 semaines, que les participants auraient 5 francs par jour pour tous ceux qui gagneraient moins de 200 francs de prix. Et finalement, le jour de la clôture des engagements, 8 jours après, nous avions 78 engagés qui devait laisser 60 coureurs se mettre en ligne à Mangeron, à la Belle Étoile. Mais comment le Tour de France, dans votre premier projet, pouvait-il durer un mois s'il ne comportait que 6 étapes? Il y avait donc d'assez longues périodes de repos? Parce qu'il y avait des périodes de repos. Durant 3 semaines avec 5 étapes, les coureurs avaient 2-3 jours de repos. Nous avions supposé que ce ne serait pas suffisant et nous avions voulu leur donner 4 ou 5 jours ou 6 jours de repos. Mais pendant ce temps-là, il fallait qu'ils se nourrissent, qu'ils s'abreuvent, qu'ils dorment, par des frais. Ils reculaient. Quand on a eu 3 semaines, et 5 francs au lieu de 2, ça a marché. Ça, c'est fascinant, Jean-François Nadeau, parce que l'idéalisme vient d'en prendre pour son rhume dès le début. Il ne faut pas se leurrer. On sait que le Tour de France est devenu une gigantesque entreprise commerciale, mais dès le début, c'est ça. Oui, c'est un journal qui veut vendre la copie. Oui, parce qu'au 19e siècle, le vélo, c'est la modernité. C'est très, très populaire jusqu'à la fin du 19e siècle. Puis là, tout d'un coup, l'auto apparaît. Ouais. Il y a des journaux qui sont consacrés au vélo, des journaux qui sont consacrés à l'auto, qui ont des milliers de copies vendues chaque semaine ou à peu près. Et là, tout d'un coup, on veut mousser la popularité d'un journal qui s'appelle l'auto. Hein? Ouais. Et c'est le vélo qu'on va mettre en vigueur selon la mode du 19e siècle où on a des épreuves qui... On a l'impression qu'on a tout inventé aujourd'hui avec le triathlon, hein? des Ironman, des trucs qui dépassent l'imaginaire en termes d'investissement ouais. physique. Mais non, dès le 19e siècle, on veut des épreuves de très longue haleine. Quand il parle, Géo Lefebvre, d'étapes très, très longues, c'est le côté surhumain qu'on ouais. cherche à valoriser. Le Tour de France a quelque chose d'insensé dans son projet, c'est-à-dire de faire réaliser à des hommes quelque chose qui n'est pas pensable. C'est pour ça qu'il dit ben, il faut les laisser se reposer longtemps. Et ils sont laissés à eux-mêmes. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on imagine aujourd'hui. Les vélos, l'entretien dépend des coureurs. On n'a pas le droit d'être aidé en course. Ils doivent se nourrir eux-mêmes. Il va même y avoir une étape célèbre où celui qui est devant, sa fourche casse. Il va se rendre chez le forgeron pour refaire sa fourche lui-même, il va être disqualifié parce que le forgeron a tenu sa fourche. Hein? Vous vous imaginez, ça a quelque chose d'assez fascinant. Ouais. Il n'y a pas de ravitaillement, les routes ne sont pas ce qu'elles sont. À l'époque, les chiens peuvent toujours vous mordre les mollets plus facilement. C'est une épreuve insensée au nom de cette volonté de ceinturer la France. Parce ouais. qu'au départ, on va avoir l'idée dans c'est quoi les grandes villes, qu'est-ce qu'on va essayer de présenter aux gens. Tout ça dans un but publicitaire, ouais. vous l'avez dit. Donc, premier tour en 1903, on l'a entendu, avec 60 coureurs au départ, 21 au fil d'arrivée, 2428 kilomètres pour ce premier tour. Le gagnant, Maurice Garin, un ramoneur du Val d'Ost, qui remportera ce premier tour de France. 1910, c'est une autre date importante, Jean-François parce que pour la première fois, vous parlez du côté surhumain, pour la première fois, le Tour s'attaque au col des Pyrénées. Quelle importance ça va avoir, la montagne, dans l'histoire du Tour? Les Tours se gagnent dans la montagne. Ouais. Hein? C'est connu aujourd'hui. Les étapes de plat, ce sont les sprinters qui les remportent. Il y a plusieurs sprinters qui sont très, très célèbres, qui vont faire le plein d'étapes victorieuses, mais qui sont incapables, qui s'effondrent. Hein? Sean Kelly, qui était un grand sprinter irlandais, par exemple, dans les années 80, est incapable de gagner le Tour. C'est la même chose aujourd'hui avec le champion du monde, Peter Sagan, qui est un très grand sprinter, ouais. mais qui n'est pas capable de faire la montagne. Donc, ça prend un coureur qui est très, très complet. Et l'idée de la montagne qui s'associe au paysage est une idée nouvelle aussi, puisque jusqu'au 19e siècle, on se méfie passablement. Ce n'est pas des terres cultivables. Quand on parle de paysage jusqu'au Moyen Âge, la montagne est exclue d'office et va l'être pendant très, très longtemps. Donc, l'idée de pouvoir franchir quelque chose qui est abject, littéralement. Ouais. C'est des pitons rocheux incultivables, ajoute à cette idée de torture. Ouais. Hein? Et ce sont des ouvriers, pour la plupart, qui vont être mis là. Ce sont, Albert Londres le dira plus tard, le ouais. très célèbre journaliste, il parle de forçat de la route. Il y a quelque chose qui s'apparente, et c'est pour ça que ça devient un sport si populaire au sens de... Aimé du peuple, de la classe ouvrière, parce que c'est un travail difficile. Ouais. Les gens qui sortent des courses ressemblent aux gens qui sortent des usines, des usines ou des mines ouais. de charbon. Si vous remportez une des courses en ligne d'une journée Paris-Roubaix, à la fin de la journée, vous ressemblez à un mineur, littéralement. Donc, il y a une identification qui est faite là très rapidement. Et ça fait partie de la mythologie du Tour, là, cette espèce d'aventure surhumaine, mais qui nous ramène à la réalité quotidienne de ces gens qui travaillent très fort. Oui, absolument. Ouais. Si le Tour, dès le départ, a un lien très commercial, faire vendre plus d'exemplaires d'un journal, ça, dès le départ, c'est là. Il faut parler des médias, parce que ça va se poursuivre, ce lien entre les intérêts des médias et le Tour. La radio, la télévision viendra plus tard, mais la radio arrive à la fin des années 20. Ça va être important. Quel impact ça va avoir sur le Tour de France, l'arrivée de la radio? Ben, il faut se rappeler ici, par exemple, des matchs de hockey, hein? Entendre Maurice Richard compter un but, ouais. quelque chose d'absolument fabuleux. Là, c'est la même chose. On s'imagine les champions. Il y a une projection de soi qui est impartie à l'idée de la voix. Je vous parle d'Eddy Merckx, je vous parle d'Ino. Ils sont plus grands que grands parce que c'est la voix qui les porte. On ne les voit pas. Ouais. On les imagine souffrant. Ils deviennent des Christ en croix montés sur roues. Hein? Il y a quelque chose d'assez... La description fait partie du spectacle. Oui, il y a quelque chose d'absolument fascinant là-dedans. Puis il y a un un enjeu aussi de promotion, bien sûr, on l'a dit, des médias, ouais. d'un journal, mais aussi des cycles, des vélos. Ouais. Puisque pendant très longtemps, la plupart des équipes sont associées à des fabricants de vélos. Le marché du vélo est quelque chose d'important. Et quand tout ça devient moins important, ça devient un enjeu national. On va réinventer le tour en disant désormais, ce seront des équipes nationales qui vont courir. Donc, une équipe de France, une équipe de Belgique, une équipe d'Italie, une équipe d'Angleterre. Mm-hmm. Et c'est dans l'équipe d'Angleterre, en 1937, que le premier Canadien, qui est incidemment un Québécois, va s'inscrire. C'est Pierre Gachon, dont le papa, M. Van der Auwera, fabrique des vélos à Montréal qui sont très connus. Il s'en va depuis New York. On perd son vélo. Sur la ligne de départ, il a des difficultés. 1937, c'est la première année où on utilise le dérailleur sur le Tour de France. Après une étape, il est crevé, il disparaît. Ouais, donc il ne sera pas un des grands champions du Tour de France, mais il y en aura de très, très grands champions. Au sommet de cette pyramide, il y a ceux qui appartiennent à ce club des cinq, les rares coureurs à avoir réussi à remporter 5 Tours de France, et parmi eux, le grand Jacques Anquetil. Les Saint-Bernards en témoignent à leur manière, avec une certaine turbulence d'ailleurs. Cette année, c'est dans les Alpes que s'est joué le Tour de France. Les Pyrénées n'avaient été qu'un hors-d'œuvre, une promenade en quelque sorte, sauf pour le Belge Van Looy, pris à froid dans la montagne. En revanche, les Alpes n'ont pardonné aucune défaillance, et Dieu sait s'il y en a eu. La plus dramatique, celle de l'un des favoris, Raymond Poulidor. On attendait un trio, sans Poulidor, out, la bataille des Alpes s'est résumée en un duel Anquetil-Bahamontès. Bahamontès, numéro 41, le roi de la montagne, est encore maillot jaune avant l'arrivée à Chamonix. Et Jacques Anquetil, qui est vraiment le Superman de ce Tour 1963, fait à cette occasion la preuve de ses immenses qualités. Anquetil gagne la grande étape des Alpes à Chamonix, c'est là qu'il a remporté le Tour de France. Cette année, il n'a pas eu besoin de l'étape contre la montre. La suite n'est plus qu'une formalité, et lorsque le peloton est en vue de la capitale française, quelques jours plus tard, ce sont des centaines de milliers de Parisiens qui ovationnent Jacques Anquetil, vainqueur pour la 4e fois du Tour de France. Pour Jacques Anquetil, c'est le record des victoires. Jamais personne avant lui, même Louison Bobet, n'avait fait mieux. Extrait d'un film d'actualité d'époque qui relate la victoire de Jacques Anquetil au Tour de France en 63, sa 4e victoire à l'époque du Tour. Où est-ce qu'on peut le placer, Jacques Anquetil, parmi les plus grands champions du Tour, Jean-François Nadeau? C'est un très grand champion qui n'est pas très apprécié, curieusement, à l'époque, parce qu'il change tout. C'est un playboy pour la première fois. Il fume, il boit du champagne, il sort avec des femmes, il a une vie absolument rocambolesque, des voitures sport, il s'intéresse pas tant que ça au vélo, il va acheter des fermes, il va s'intéresser à toutes sortes de choses. C'est un grand champion de l'épreuve reine, c'est-à-dire le contre-la-montre, où vous êtes seul, laissé à vous-même, où on chronomètre la distance. Là-dessus, il est un très, très grand champion. Il est aussi un des premiers à rendre mal à l'aise les gens, parce qu'il dit ce que tout le monde sait depuis très longtemps, depuis le début des années 20, c'est-à-dire qu'il y a un usage de substances dopantes qui est fait chez les cyclistes. Déjà. Il dit « mes fesses sont comme des passoires ». Et tout le monde a dit ça très ouvertement. Ouais. On parlait un peu plus tôt d'Albert Londres, qui, devant les frères Pélissier en 1922, fait un grand reportage. Les frères Pélissier, qui sont de grands champions, lui disent « nous marchons à la dynamite », avec de la cocaïne, notamment. Ouais. On va utiliser ça, qui sont des drogues stimulantes de l'époque qui sont utilisées. Et il n'y a pas de mal à dire ça. On est avec nos yeux d'aujourd'hui. Il faut comprendre pourquoi, dans les années 60, l'idée de dire chez Anquetil, comme on l'a toujours fait avant qu'on utilisait des substances dopantes, devient quelque chose de troublant. Hein? Ouais. Il y a une idée de rébellion qui est associée à la drogue. Alors que le sport veut être propre, il veut donner une image d'une société lisse qui est près des commanditaires. Alors Anquetil, là-dessus, détonne beaucoup. Ouais. Puis ça ne sera pas le seul, comme vous le disiez. Il y aura un incident tragique, mais donc le dopage, ça remonte à loin dans le temps. Tom Simpson qui va mourir au sommet du Mont Ventoux en 1967 parce que dopé, entre autres. Le plus grand champion pour vous, ça reste celui qu'on entend au tout début, Eddie Merckx. Pourquoi? Oh, c'est le plus grand champion de tous les temps. Il a remporté une course sur trois auquel il a pris part. Hein. C'est le Wayne Gretzky du vélo, littéralement. Tout lui réussit. Il fait la course en tête, constamment. Si vous regardez de ces images d'époque, il est constamment devant, ce qui est une tactique peu fréquente aujourd'hui, où on se met à l'abri de coéquipiers. On l'appelle le cannibale. Hein. Il avale tous les kilomètres et ses opposants, si bien qu'il semble si intouchable dans le Tour de France qu'on va l'encourager à quelques reprises à ne pas prendre le départ parce que le jeu est couru d'avance. En 1973, on va dire, bon, c'est un contrat qui fait en sorte qu'il ne peut pas prendre part à tous les départs, mais en vérité, on aime bien l'idée qu'il puisse pour une fois laisser gagner quelqu'un d'autre. Ouais, ouais. On revient au dopage, on ne peut pas éviter ce sujet-là. On l'a déjà dit, ça commence assez tôt dans l'histoire du Tour de France, mais ça va atteindre, on en parle beaucoup depuis quelques années, et pour cause, ça va vraiment atteindre des sommets. Et le summum dans le domaine du dopage, il est atteint avec Lance Armstrong, 7 fois vainqueur du Tour de France. Et voilà, accompagné de ses enfants, tous de jaune vêtu, le vainqueur du Tour de France 2005, Lance Armstrong. En terminant, j'aimerais dire une dernière chose à ceux qui ne croient pas au cyclisme, les cyniques et les sceptiques. Je suis désolé pour vous. Je suis désolé que vous ne puissiez pas rêver grand, que vous ne croyiez pas au miracle. C'est une course d'enfer, un grand événement sportif, et vous devriez rester et y croire. Vous devriez croire en ces athlètes. Je suis un amateur du Tour de France depuis toujours, et il n'y a aucun secret. C'est un événement sportif où le travail acharné l'emporte. Alors vive le Tour, pour toujours. Vive le Tour, forever, thank you. Lance Armstrong, après sa 7e victoire au Tour de France en 2005, avec ce qu'on sait maintenant, Jean-François Nadeau, ce qu'on vient d'entendre, c'est même pas culotté, c'est plus que ça, c'est effronté, surréaliste. C'est à se demander s'il y croit vraiment, hein? Parce qu'il y a un rapport à soi qui est surdimensionné chez Lance Armstrong, comme chez tous les champions d'ailleurs. Seul compte la performance. Et il y a quelque chose qui dépasse la volonté de triompher devant les autres, c'est d'abord de triompher de soi. Il a au moins raison de dire que c'est un sport immensément difficile. Hein? Ouais. Vous ne pouvez pas gagner ça seulement à l'eau claire, c'est ce que disaient d'anciens champions. Donc, il n'est pas le seul. Mais il a une telle arrogance, une telle suffisance. Il fait la morale, il fait la leçon aux gens. Il n'est pas seul. Hein? C'est une sorte de mafia, littéralement, à l'époque Armstrong, où on a tout un univers qui profite de ça. Les commanditaires en profitent. La plupart des gens se sont beaucoup enrichis autour de Lance Armstrong. Hein? Donc, il n'existe pas seul. Quand on regarde les différents podiums sur lesquels il a été, tous les gens qui sont à côté de lui ont été impliqués dans des histoires de dopage aussi. C'est une époque, ça témoigne d'un rapport au sport, ça témoigne d'un rapport à nous-mêmes aussi, où on aime croire que tout est possible. On veut nous-mêmes bien croire que le surhumain est quelque chose, à condition qu'on puisse rêver, qu'il puisse réussir. On répète ça encore aux enfants. Si tes rêves sont assez forts, tu vas y arriver. Alors, la dimension de la réalité est absente d'une partie de notre humanité, et Lance Armstrong surfait là-dessus. Ouais. Le Tour aujourd'hui, qu'est-ce qu'il devient, Jean-François Nadeau? Ça reste un très grand événement sportif. On a réduit quelque peu la longueur des épreuves qui vont monter à 5000 quelques kilomètres dans les années 80. On a réduit ça là, dans les environs de 3000, un peu plus, quelque chose comme ça. C'est de plus en plus rapide, donc on peut se demander à quelles conditions. C'est pas seulement les améliorations des vélos qui sont des matières aujourd'hui ultra légères. Hein. On a même dû limiter le poids de la descente du poids, parce que bientôt, on allait pouvoir rouler sur quelque chose qui ne pèse absolument rien. Ça reste un événement haut en couleur, rapide, difficile, c'est tactique, ce sont de grands athlètes et ça tient aussi à une performance physique absolument exceptionnelle. C'est un grand déploiement. C'est sûr que pour l'œil, il n'y a rien de tel encore. Jean-François Nadeau, historien, journaliste au Devoir, on l'a bien compris, mordu de vélo et passionné du Tour de France. Merci Jean-François. Merci Jacques. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.